près du radiateur. On ira jusqu'au bout. La force du travailleur. Voilà. Hey. Nos no passaran. Grève générale. Et rien d'autre. Et il faut qu'on soit déterminé dans nos actions. Et on ne doit pas lâcher. On ne doit pas lâcher. Et si on est tous ensemble, on va y arriver. C'est pas eux qui vont décider notre vie. C'est pas eux qui vont décider notre vie. Hey yo, au fond près du radiateur, man. Tous les mardis soirs, 19h, FPP 106.3 FM. Ha! Bien sûr, 106.3 sur la fréquence Paris Pluriel. On est dans l'émission au fond près du radiateur, pardon. De 19h à 20h30, on va passer un bon moment. Et ce soir, on va parler des grèves au parc Hayat sur la place Vendôme. Faut savoir que ça fait plus de 3 semaines que les femmes sont en. Enfin, les femmes et les hommes aussi, sont en grève pour l'intégration des personnes sous-traitantes, donc les femmes de chambre et tout le reste. Ensuite, on va parler d'un bouquin de Dominique Manetti. C'est notre ami Yano qui va en parler. Salut Yano. Salut, salut. Et après, on va parler de la PMA. On va parler d'une femme qui s'appelle Axel, de son parcours par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'on a tendance à entendre parler de la PMA, mais on ne parle pas des principaux concernés. C'est les gens qui ne l'ont pas vécu, qui ne le vivront jamais, qui nous font des centaines de phrases et de conférences là-dessus, dont on s'en fout. Donc là, on a un avis clairement concret et elle va nous parler de son combat, de son vécu et de ses projets à venir. Voilà, donc salut Axel. Bonsoir et merci. T'inquiète, et pour la mettre à l'aise, bah, rien d'autre que notre cher ami Guillaume. Bonsoir. Voilà, et pour commencer, on va recevoir un appel du coup d'une femme qui vient parler de la grève. Donc Robinson, on te laisse gérer tout ça. Bonsoir à tous, on va avoir une des grévistes par téléphone dans quelques minutes. Voilà photo, Akobi Bekidouba, Akobi Kidouba, Akobi Bekidouba. Voilà voici, Akobi Bekoubali, Akobi Koubali, Akobi Bekoubali. Voilà photo, Akobi Bekidouba, Akobi Kidouba, Akobi Bekidouba. Voilà voici, Akobi Bekoubali. Thank you. I wake up, brush my teeth, choose an outfit. Big racks in my account, I get paid. Every day, smoke the loudest. I get packed in by the ounce, I just play. And I got things from back in the day still ringing me down. I'm on stage, but I want no stress. What they tryna control S coming around to get saved. I don't want a war, let's make peace. Good energies make the stacks increase. Girls in the north, west, south, and the east. Big batty make the man them say cheese. I'm not a gentleman, I'm an African man, is what I said to the priest. So you know I stay smoking trees and the buds in a zip pack looking obese. I just came back from Mars in my new spaceship, it was a perfect landing. What you mean? I'm a king, she's a queen, man, you know what's happening. Nowadays they call me gingerbread man, cause they just can't catch him. All the ladies love man, I love them too, we got an understanding. Pure water and lots of ice, she knows that I be the boss of life. Pure water and lots of ice, she knows that I be the boss of life. Pure water and lots of ice, she knows that I be the boss of life. City on lock for the left to the right. Bear girls, how am I meant to decide? She weren't feeling the old me, I bet she's feeling my new shit. I told her we gotta keep it true, told her we gotta move as a unit. I had to chat to Cupid, said little man, you know I ain't stupid. Bonsoir à tous, vous êtes toujours au fond près du radiateur 106.3 FM. Et on a donc au téléphone Nora qui est en ligne. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir à toi. Tu es donc dans l'émission Au fond près du radiateur. Et on avait envie de parler avec toi, de savoir un petit peu au niveau de la grève au parc Hayat Vendôme. Comment ça s'est déroulé, si tu as des choses à nous expliquer par rapport à la situation actuelle, par exemple. Oui, alors on a tout d'abord commencé notre grève le 25 septembre. Oui. Donc aujourd'hui, ça fait 22 jours qu'on est en grève. Et bien sûr, on a des revendications principales. La première qui est l'intégration. C'est-à-dire que le service d'hébergement aujourd'hui est sous-traité et on demande l'intégration aux effectifs de l'hôtel. D'accord. Pour expliquer aux auditeurs, c'est un hôtel, un palace dans le 8e arrondissement, à côté de la place Vendôme. C'est Paris 2e, exactement. 2e, pardon. Okay. C'est à côté de la place de l'Opéra. C'est entre la place de l'Opéra et place Vendôme. On est situé à la rue de la Paix, juste à côté du palace aussi, le Ritz, et on n'est pas loin du Meurice et des palaces parisiens. Ouais, on peut rappeler aux auditeurs que c'est assez rare que des employés, qui plus est de l'hôtellerie de luxe, se mettent en grève. C'est arrivé il y a 4 ans au Royal Monceau, mais à part ça, dans pas d'autres palaces, parce que les autres palaces en général redistribue en prime, je parle du Bristol, du Georges V, du Plaza Athénée, Lutetia, et ils ne font pas appel à la sous-traitance. Et là, c'est une particularité de cet hôtel, hein, c'est bien ça. Oui, alors on est le seul palace parisien qui est sous-traité. Donc on a déjà, parce qu'on est élu depuis 2013, on a déjà soumis ça en question des délégués du personnel, et à chaque réunion on demande le pourquoi, le comment. Il n'y a aucune réponse valide en fait, parce que tout simplement ils nous disent oui, c'est pas illégal, donc voilà, nous c'est notre politique, mais c'est pas vrai, parce que le groupe Hayat ont plusieurs hôtels aujourd'hui qui sont en interne. Par exemple, comme le Hayat Regency qui a Porte-Maillot, il y a quand même presque 1000 salariés. Ils sont en interne, les femmes de chambre, gouvernantes, équipiers. Pareil, le Louvre. Pareil, le Martinez qui est à Cannes. Donc, ils ont pas mal d'hôtels en interne. Et le Hayat Regency Madeleine aussi. Madeleine, ils sont en sous-traitance pareil que nous. Et à Roissy, Charles de Gaulle aussi, ils sont en sous-traitance. D'accord, ok. Donc vous avez demandé ça en revendication il y a, vous m'avez dit, 21 jours, c'est ça? Eh ben. Ah, putain. Alors, excusez-nous, on a eu un problème. On va passer une légère pause musicale et elle va nous rappeler. À tout de suite. Je ne vais pas m'en foutre de ce que je fais, non. Je m'étonne pas. Oui, on est de retour avec vous, Nora. Oui, excusez-moi, ça a coupé. Oui, il n'y a pas de souci. Du coup, voilà, on voulait savoir un petit peu la situation depuis que ça a commencé et surtout comment ça s'est déroulé, comment ça s'est lancé au début. Donc on s'est lancé en grève le 25 septembre et on a commencé par un défilé qui s'est très bien passé. Et le vendredi dernier, la situation, parce que Hayat joue le jeu de la montre aujourd'hui, donc il nous laisse dans la rue, aucune négociation. Et puis nous, on venait très tôt le matin parce que on voulait tout simplement demander aux travailleurs qui nous remplaçaient leur contrat de travail, etc. Parce qu'ils nous remplaçaient avec des salariés qui ne travaillaient pas dans cet hôtel-là et qu'on ne connaissait pas, en fait. Pour casser la grève, c'est ça ? Oui, pour casser la grève. Il est ramené à 3h du matin, 4h du matin. Donc nous, on a décidé de venir sur le piquet de grève à 3h du matin aussi. On avait mobilisé pas mal de salariés, surtout les hommes, le matin sur tous les côtés. Et puis, il y en a deux le vendredi dernier qui se sont fait violemment agresser physiquement par des agents de sécurité. Donc, il y avait un gréviste et un délégué du personnel qui se sont fait agresser violemment. J'étais là, je les ai vus. Ah oui. J'ai pris mon sifflet et j'ai crié au secours. Ils ne m'entendaient même pas et puis j'avais peur, donc je ne pouvais pas m'approcher. Après, j'ai pris mon téléphone, mais j'étais incapable de filmer parce que j'avais peur, tout simplement. Et je leur ai dit, je suis en train de vous filmer pour qu'ils arrêtent, en fait, de tabasser mes collègues. Ah, ils ont... D'accord. Mais c'était en continu, en fait. C'était des vigiles qui faisaient pratiquement 2 mètres. Je sais pas, ils dépassaient les 100 kilos, ils étaient énormes et puis ils ont sauté sur nos collègues avec des coups. Et après, ils sont rentrés rapidement à l'hôtel, ils ont fait rentrer leur personnel sans qu'on puisse vérifier quoi que ce soit. Et après, mes deux collègues, ils étaient par terre en fait. Personne ne parlait, personne ne bougeait. En fait, je tremblais pour appeler le 18, c'était pratiquement impossible, c'était mission impossible. Parce que, en fait, c'était la panique. J'ai paniqué, j'arrivais plus à composer le 18. D'accord. Ça a été une forme de répression. Qu'est-ce qui a pu déclencher que la sécurité décide de s'attaquer à certains grévistes ? En fait, c'est par ordre de la direction du Hayat, parce qu'ils savaient très bien qu'on était là et ils nous ont vus par rapport à les portes vitrées. Donc ils ont mis tous les vigiles en fait de tous les côtés dans l'hôtel qui venaient dans ce côté-là, parce qu'ils avaient l'intention de faire entrer des salariés sans contrat, tout simplement pour qu'on puisse pas vérifier. Et donc comme ils l'ont su, ils ont sorti d'abord leurs vigiles pour agresser les collègues qui comptaient demander le contrat. Et après, ils ont fait rentrer tout leur personnel, en fait. D'accord, ouais. C'est assez impressionnant. Et c'est par ordre de la direction du Hayat Vendôme, bien entendu. Ils nous ont vus par les caméras, ils nous ont vus par les portes vitrées. Et ils savaient pertinemment qu'on allait leur demander leur contrat. Et pour eux, il fallait absolument que ces salariés-là, je ne sais pas, en tout cas sans contrat pour nous, qui rentrent nous remplacer. Et pour casser l'effet de la grève. Ils ont été très inquiets et au moins c'est une preuve qu'ils ont été, une triste preuve, mais que vous les dérangez et que là, ils vont commencer peut-être à réfléchir. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils utilisent tous les moyens, c'est-à-dire en arriver... jusqu'à agresser violemment les collègues par des vigiles de 2 mètres. Moi, personnellement, j'ai dit à mes collègues, ça sert à rien. On peut plus venir à 3h du matin. On est là, d'accord, pour faire une grève, mais on n'est pas là pour risquer nos vies. Donc, chacun de nous a sa famille. Donc, pour nous, hors de question de revenir pour se faire agresser. Et surtout que le soir même, parce que je suis restée jusqu'à 18h cette journée-là, ils étaient encore là à l'hôtel. C'est-à-dire, c'était les mêmes du matin qui nous ont agressés qu'ils étaient encore à l'hôtel. D'accord. Donc, ils me regardaient les yeux dans les yeux. malgré l'appel de la police. Aujourd'hui, je ne comprends pas en fait ce qui se passe exactement. J'ai l'impression qu'il y a un complot de tous les côtés. Et puis nous, voilà, c'est les simples grévistes, on n'a aucune... En fait, Hayat a tous les pouvoirs. Et nous, aujourd'hui, on est en position de faiblesse. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a un échange aujourd'hui, quel est l'échange avec la direction? Est-ce qu'il y a eu au moins un rendez-vous depuis le premier jour? Ils ont appelé au départ pour dire bon, on va vous voir, ce ne sera pas forcément une négociation, mais quand même on va se mettre à table. Ouais. Ils voulaient voir que nos représentants au départ. Et quand mon représentant syndical m'a demandé, je lui ai dit non, il faut quand même prendre un délégué syndical. Bien sûr, ils voulaient vous isoler peut-être, c'est ça? Je ne sais pas, mais ils voulaient voir que nos représentants au départ. D'accord. Qu'on a refusé, on a dit soit vous nous prenez tout, soit... Voilà. Donc il n'y a pas eu de... Pour l'instant, il n'y a pas eu de discussion? Non, parce qu'après, ils ont annulé en fait. Après, ils ont dit ok au départ. Et le lendemain, ils ont dit, puisque vous avez... En fait, après qu'il y a eu cette histoire d'agression, ils ont dit non, nous, on annule. Ils ont tout annulé, voilà. Donc, pour l'instant, on est dans la rue, on continue notre grève, mais très difficilement, parce que le vendredi dernier, pareil, le matin, on s'est fait agresser. Et puis, donc, il y a eu les CRS qui sont venus, la police, et vers les coups de midi, la police nous a délogé violemment aussi du piquet de grève, c'est-à-dire devant la porte principale de l'hôtel. Ils nous ont délogé pour nous mettre dans un coin dans la rue. Oui. Ils nous ont nassé pendant plus derrière des grilles. Oui, il y a une vidéo qui a tourné sur internet assez. Voilà, et nous, si vous avez vu la vidéo, c'était vraiment violemment parce qu'ils nous ont tiré un par un, et franchement c'était je dirais la journée. Est-ce que vous avez pu porter plainte par rapport à la sécurité? Oui. Oui, bien sûr. Alors, nos collègues, il y en a un qui est sorti 2 ou 3 heures plus tard de l'hôpital. Donc, il n'avait rien de grave, mais aujourd'hui. Ils ont porté plainte. Il a porté plainte, bien sûr. Et il y en a un autre qui est resté 3 jours. Et là, il a porté plainte aussi. Juste une question comme ça. Est-ce que ces personnes de la sécurité, ils sont sous-traités aussi? Oui, alors la sécurité au parquet de Vendôme est sous-traitée, mais les vigiles qui ont justement agressé mes collègues, ce n'est pas de la sécurité qu'on a l'habitude de travailler avec eux tous les jours. D'accord. En fait, suite à notre grève, Parquet de Vendôme ont recruté un peu plus. Je pense qu'ils ont fait même appel à une société extérieure, peut-être pas la même, je ne peux pas vous dire à 100%, mais je pense que ce n'est pas la même. Bon, non, c'était pour savoir. Mais ils ne font pas partie de la grève, pour savoir un petit peu combien vous êtes. Non. Ils ne font pas partie de la grève. Ils sont là justement pour empêcher les grévistes justement de vérifier les contrats. C'est une sorte d'intimidation parce qu'on n'a jamais rien fait de... En fait, tout ce qu'on fait, c'était pacifique. Hein. On n'a jamais agressé qui que ce soit. On a vu la grève, comment ça s'est déroulé. Les non-grévistes ont le droit d'y aller travailler. Nos collègues qui travaillent sur le site du parquet de Vendôme et qui ont décidé de ne pas faire grève, on a des bons contacts avec eux et on a jamais essayé d'empêcher qui que ce soit de faire son travail. Vous êtes, pour savoir un peu, il y a 75% des personnes en sous-traitance qui sont en grève, si j'ai bien lu. Oui. Et ça fait une petite partie des employés. C'est énorme par rapport à la sous-traitance. Est-ce qu'il y a, des fixes de l'hôtel? Alors, il y a à peu près 10 personnes avec nous de l'hôtel. Et c'est une première parce que, vous savez, nous... 70 personnes. Voilà, nous, on est énorme, mais les gens de l'hôtel, ils ont toujours eu la pression par la direction du Hayat Vendôme par rapport aux élections ou de... Voilà. Il était réputé pour ça. Hein. Enfin, moi, comme j'étais dans l'hôtellerie, on savait que ça fonctionnait comme ça depuis pas mal d'années, apparemment. Ah oui, même de toute manière, même les salariés qui sont syndiqués, ils nous le disent. Hein, ils nous le disent, s'il vous plaît, d'accord. On se syndique, on prend la carte. Mais surtout, surtout, ne dites pas que je suis syndiqué, parce que sinon, ben, je risque ma place. Et, oui, oui, c'est très soumis ce milieu-là. C'est assez impressionnant. Ils s'approchent pas envers nous, en tout cas dans l'entreprise. Et même quand ils prennent contact, c'est souvent par téléphone ou à l'extérieur, parce que ils savent très bien que qui s'approche des délégués du personnel. C'est pour ça que c'est difficile de lancer des pas seulement forcément des grèves, mais déjà de remettre en question des choses et de demander des choses, déjà, rien que pour cette raison. Oui, oui. Donc c'est pour ça que nous, délégués du personnel aujourd'hui, on a fait un travail énorme parce qu'on a obtenu pas mal de choses dans le passé et on s'est dit, c'est pas normal que les salariés de l'hôtel sont toujours à un smic horaire hôtelier. Mmh, aujourd'hui, on commis. Va quand même mettre la revendication des fameuses 3 euros ne sont pas pour les sous-traitants parce que les sous-traitants, ils ont obtenu cette augmentation à plusieurs reprises. Donc aujourd'hui, les femmes de chambre sont à 14 voire 15 euros de l'heure. Gouvernantes, ils sont à 17 euros de l'heure. Donc on n'a pas demandé une augmentation de salaire pour les sous-traitants. Mais l'augmentation aujourd'hui, c'est pour le personnel du Hayat qui sont vraiment au smic horaire. Donc on s'est dit, on va mettre cette revendication parce que c'est pas normal. D'accord, ouais, ça fait partie des... Voilà, on n'est pas alignés. Si vous voulez, on n'est pas au même niveau. D'accord. Voilà, on n'est pas au même niveau. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour nos auditeurs, les prochaines étapes de la lutte, rassemblement et autres? Oui, alors le jeudi, alors c'est génial parce que la Fédération du commerce, finalement, dû à l'agression des deux camarades et dû aussi à l'encerclement de les CRS qui s'est passé le oui. Ils ont délogé le vendredi dernier. Donc la Fédération a décidé de justement faire une grande manifestation le jeudi prochain, donc a fait appel à tous les syndicats et tous les délégués de venir manifester le jeudi du parc à Vendôme, donc d'accord, à l'hôtel, ils ont appelé ce jeudi. Voilà, et on va en fait manifester jusqu'au Hayat Madeleine. D'accord, très bien. Okay, et voilà, donc c'est l'action qu'on va faire. Et puis après, on va certainement faire d'autres actions dans tous les hôtels du Hayat, que ce soit au Hayat Regency. C'est jeudi à quelle heure, pour préciser à nos auditeurs? C'est à midi. Donc, d'accord, jeudi à midi, c'est devant le... Ça commence devant le... Parc à Vendôme, donc c'est métro Opéra et c'est... Très bel endroit, très, très beau quartier. Ouais. C'est à la 5 rue de la Paix. D'accord. Mais les autres... Non. Écoutez, est-ce que... Voilà, s'il y a un site internet, la CGT-HPE, on peut vous suivre par ça sur Facebook, CGT-HPE, c'est ça? Oui, on a une caisse de grève également pour ceux qui souhaitent... Oui. À nous aider, comme on est en grève longue durée, et on aurait vraiment besoin, parce que du coup, on n'est pas payé. Oui, il n'y a aucune paye. De tenir le plus longtemps, de toute manière, on est soudés aujourd'hui, plus que jamais, parce que on a toujours été soudés, mais là encore plus, parce que c'est non seulement pour nos revendications, mais aujourd'hui, c'est aussi pour notre droit de grève qu'ils essayent de nous retirer à tout prix. Et c'est ça, ils mettent la pression. Et justement, on va en profiter pour je vais essayer de mettre le lien de la caisse de grève et puis de la CGT-HPE pour que les auditeurs puissent nous suivre à travers la page Facebook de l'émission. D'accord. Et on vous remercie de votre témoignage. Et puis, on n'hésitera pas de se recontacter aux prochaines émissions pour faire le point. D'accord. En tout cas, je vous remercie beaucoup et je remercie... vous tous. on te remercie, Nora. Bonne Merci. Soirée à toi et à très bientôt. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Vous êtes de retour sur Au fond près du radiateur. Une légère pause musicale. Et là, on se retrouve pour une petite pause musicale. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour, bonsoir. Vous êtes toujours sur l'émission Au front près du radiateur, pardon, sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Du coup, comme vous avez pu l'entendre, on a eu l'échange avec cette gréviste du parc Hayat Place Vendôme et on vous invite vraiment, si vous pouvez, à aller militer avec elle pour défendre leurs droits, donc que ce soit par rapport à l'intégration des personnes et aussi par rapport au salaire et aussi par rapport à la répression policière, qui est totalement déplorable. Donc voilà, vous avez rendez-vous Place Vendôme à 12h ce jeudi-là. Ensuite, on va passer à un autre sujet, on va parler d'un bouquin policier de Dominique Monetti. Ouais. Et c'est Yano qui va nous le présenter. Salut Yano, du coup. Salut. Parle-nous-en un peu plus. Bah écoute, ça tombe bien que ça vienne juste après le sujet sur les grévistes du parc Hayat à Place Vendôme, parce que l'auteur dont je vais parler, en fait, elle a un passé de syndicaliste, ouais. Et elle a beaucoup écrit ses romans policiers sur la base de faits réels, okay, et cool. de lutte concernant les travailleurs et travailleuses. Par exemple, son premier bouquin, ça a été un roman policier qui sert de la lutte des ouvriers du textile dans le quartier du Sentier à Paris, okay, au début, ouais, des années 80. Et c'était une lutte assez importante dans le cadre de l'industrie du textile dans le quartier du Sentier. Et voilà, et en fait, elle sert comme toile de fond de ses luttes et de son expérience, elle, de syndicaliste, pour après écrire ses romans policiers. En fait, j'ai interviewé Dominique Monetti pour plusieurs raisons, parce que déjà, ses romans policiers, donc c'est de la fiction, ouais, c'est du roman noir, ils sont criants de vérité. En fait, c'est quand même des témoignages de différentes luttes, de différentes époques, et c'est vachement... vachement intéressant de les lire et aussi du coup de l'écouter parler. Et en fait, je l'ai aussi interviewé parce que c'est, voilà, c'est une personne qui a eu une vingtaine d'années en 1968, qui a vécu... Qui a vécu 68, du coup. Ouais, mais même, tu vois, ses premières années de militantisme, ouais, dans les années 60, dans le planning, tu vois, en adhérant au planning familial. Énorme. Et puis après, qui a été à la CFDT dans les années 70. Mais à l'époque, une CFDT qui n'était pas du tout celle qu'on connaît aujourd'hui, ouais, et où elle avait un champ d'action en termes de syndicalisme révolutionnaire, on va dire, beaucoup très large et beaucoup plus important que ce qu'on connaît aujourd'hui dans les syndicats, dans les centrales syndicales, entre guillemets, représentatives. Bref, ce qui est vachement intéressant dans son discours, au-delà de ses romans policiers, c'est que c'est une personne qui constate l'échec de sa génération. Okay. C'est-à-dire du merdier dans lequel on est aujourd'hui. C'est pas quelqu'un qui va te donner, ouais, des leçons parce que toi, jeune femme ou jeune homme, tu sais pas t'organiser, que t'es un peu foufou ou foufolle, tu vois. C'est une personne qui est assez lucide, en, ouais, fait, sur c'est l'époque, cool, dans laquelle on vit. Okay. Et c'est pour ça que j'ai voulu échanger avec elle. Et du coup, on va parler un petit peu de son dernier bouquin, qui est un bouquin sur le rachat d'Alstom, une entreprise, un fleuron de l'industrie nucléaire français, par General Electric. C'est une actualité qui a eu lieu entre 2012 et 2014. Elle a construit un roman autour de ça où on décrypte tout ce qui se passe dans les hautes sphères, que ce soit du gouvernement, dans la direction des entreprises. Donc c'est intéressant aussi de voir par rapport à ce que vivent des grévistes sur la réalité de leur terrain. Et aussi, c'est un vrai témoignage sur comment fonctionne le capitalisme aujourd'hui, et ça permet de comprendre vachement de choses. Robinson, si t'es chaud, on va s'écouter directement l'interview. Il y a une petite introduction, et puis voilà, après, ça ouvre sur d'autres perspectives. On écoute ça tout de suite au fond près du radiateur. Rencontre avec Dominique Monetti. Un petit troquet du 20e arrondissement de Paris, une dame pousse la lourde porte et pose son regard sur l'enregistreur planté sur la table. Salutations chaleureuses, on va parler roman noir, littérature policière et élargir la perspective. Comment un bon polar peut être un outil pour déconstruire ce vieux monde? Ancienne des cahiers de mai. Membre de la CFDT dans les années 70, tendance syndicaliste révolutionnaire. Professeure d'histoire à l'université, romancière sur le tard, elle possède une écriture tranchante, renseignée et méthodique. Elle excelle dans le genre du polar. Premier roman en 1995, Sombre Sentier. La trame se joue au cœur d'une grève d'ouvriers du textile travaillant dans le quartier du Sentier, à Paris. Tout s'emballe très vite. On est happé par le parcours des deux personnages principaux et par la résolution de l'intrigue. En toile de fond, les enjeux sociaux de l'exploitation humaine et la réalité des travailleurs immigrés et clandestins.

Pour resituer, donc tu es militante lesbienne, tu es une ancienne membre du collectif 8 mars pour toutes, oui. Et tu es cofondatrice de Pride de nuit. Tout à fait. Et ce soir, du coup, tu es venue nous parler PMA. Yes. Et finalement, qui es-tu, Axel ? Dis-moi tout. Qui suis-je ? Eh bien, j'ai 32 ans, je suis célibataire et j'ai pour projet d'avoir un enfant. Cool. Alors, pas de la façon la plus simple dont on l'entend, parce qu'on entend beaucoup parler de PMA. Et en réalité, mon projet, c'est pas vraiment une PMA. C'est-à-dire que moi, mon souhait, ce serait de faire ça par insémination artisanale. À ne pas confondre avec l'insémination artificielle, donc qui est par le médical. Alors, qu'est-ce que c'est, c'est quoi la différence ? Qu'est-ce que c'est qu'une une insémination artisanale ? L'insémination artisanale, ou à la maison, ou à la pipette, comme on dit, la petite expression. C'est-à-dire que c'est moi-même qui vais réaliser une insémination à partir du don de sperme d'un ami. D'accord. Okay. Et donc, cette insémination, aujourd'hui, c'est... socialement, c'est vu comment ? Est-ce que c'est un combat que tu mènes avec d'autres personnes ou, tu te sens comment vis-à-vis du combat pour ta technique de PMA ? Parce que je crois qu'il y a plusieurs techniques aujourd'hui préconisées, entre guillemets, pour la PMA ou, Disons qu'elle est à la marge, puisque ce n'est pas une technique médicale, contrairement à la PMA, procréation médicalement assistée. Donc elle est mal reconnue et elle est même illégale. Il faut savoir qu'il est interdit de manipuler du sperme à des fins procréatives, c'est-à-dire que je devrais coucher avec mon donneur, ce qui n'est pas du tout ce dont on a envie, ni lui ni moi. Voilà, on veut faire ça de façon très simple. Sachant que, bien évidemment, il est d'accord, il est consentant, il sait tout ce qu'il y a à savoir. D'accord. Et donc, toi, c'est un projet, du coup, que forcément, tu as réfléchi, tu as vu différentes, peut-être différentes techniques avant, tu as vu différentes positions vis-à-vis finalement des autres militants LGBT. T'es confronté à quoi, toi, aujourd'hui, quand tu parles de ton projet, si tu en parles, je ne sais pas, mais à quoi tu te retrouves souvent confronté ? Alors oui, j'en parle, parce que justement, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc mon but, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis ravie d'être là ce soir, c'est d'en parler, parce que ça existe depuis longtemps et ça existera probablement encore, et c'est une très bonne chose, parce qu'on doit pouvoir être libre de choisir son mode de procédé. Mais effectivement, dans le milieu médical, militant, on n'en entend pas parler. On entend parler beaucoup de projets qui se font donc par PMA, à l'étranger pour le moment, et c'est donc ce qui est revendiqué. Et on oublie un petit peu que on peut peut-être aussi choisir d'autres façons de faire. Et je dirais même que ce qu'on entend beaucoup dans le milieu militant, et là où moi je ne me retrouve pas trop en dehors du procédé un peu atypique, c'est qu'on voit, on peint quand même une image d'une revendication de la PMA qui serait pour un couple de femmes, deux femmes lesbiennes. C'est un portrait un peu de famille un peu parfait, famille homoparentale bien parfaite. Généralement, elles sont blanches, elles sont bien propres sur elles, etc. Enfin, on voit par exemple le dernier, je vais peut-être faire grincer des dents, mais c'est pas grave, il faut qu'on en parle, y compris dans le milieu militant. Le dernier spot de SOS Homophobie est superbe, mais est-ce que ça représente vraiment la réalité ? Je crois qu'on entend, il y a beaucoup de personnes dont on n'entend pas beaucoup parler, surtout. Donc, tu parles du spot Qu'est-ce qu'un bon parent, je suppose, qui est apparu la semaine dernière, c'est ça hein, oui. Qui est un spot où on voit au début une femme blanche qui s'occupe d'un enfant. Et, dans une belle maison de riche. Voilà, exactement. Et petit à petit, on découvre que cette belle maison de riche appartient à un couple de femmes lesbiennes. Ouais. Et la question se pose de qu'est-ce qu'un bon parent ? C'est ça, c'est ce qui a été lancé sur les réseaux sociaux dernièrement. Par SOS Homophobie. Oui. Et toi, est-ce que tu te reconnais finalement là-dedans ? Je ne me reconnais pas. Alors, ce qui est bon, il faut quand même dire qu'il y a des choses qui sont bonnes, hein, c'est que grâce à tout ça, grâce à tous les témoignages qu'on entend, mais principalement de couples lesbiens, on arrive à mieux voir qu'effectivement, on peut grandir en tant qu'enfant avec deux mamans. Et oui, c'est super et ça se passe extrêmement bien. Donc ça, c'est une bonne chose, certes. Mais c'est toujours les mêmes personnes dont on entend les témoignages. Et on entend peu, finalement, les célibataires, comme moi. Et oui, j'ai 32 ans, mais l'horloge biologique, elle avance. Et en plus de ça, c'est un sujet dont on parle un petit peu. J'ai de l'endométriose, donc il faut pas attendre. C'est un autre sujet. Ouais, faut pas non plus trop tarder. Donc on entend peu parler des célibataires. On entend peu parler des précaires, effectivement. Ouais. On entend peu parler, du coup, des femmes, même qui attendent l'ouverture de la PMA en France. Donc ça fait des années qu'elles attendent que les promesses soient enfin tenues. Généralement, c'est pour des raisons budgétaires. Elles ne peuvent pas aller à l'étranger. On n'entend pas non plus parler de la PMA pour les trans, donc c'est-à-dire les personnes qui ont été assignées à un genre à la naissance et qui ne se reconnaissent pas sous ce genre-là. Mmh. Voilà, on n'en entend pas parler. On n'entend pas parler non plus des intersexes. On n'entend évidemment pas parler d'autres procédés que le médical, et je pourrais compléter un petit peu là-dessus. Et on n'entend pas non plus parler beaucoup de coparentalité. Coparentalité, c'est lorsqu'un enfant a des parents qui ne sont pas forcément en couple. C'est-à-dire qu'il y a une séparation entre à la fois la conjugalité et la parentalité. Donc ça peut être de plein de façons, et ça se fait déjà depuis longtemps. On peut avoir deux couples différents. Souvent, c'est un couple de deux femmes, un couple de deux garçons. Mais ça peut aussi être un couple avec deux femmes, un garçon, ou etc. Enfin, il y a tout un tas de formes de possibilités. Okay. Voilà, donc on en entend peu parler. Et finalement, aujourd'hui, pour que nos auditeurs puissent se rendre compte un petit peu de ce qu'il en est, en France, la PMA pour les femmes et les personnes trans, c'est une chose qui est juste sujette à débat. Comme d'habitude, hein, je le disais dans ma dernière chronique, mais on n'est que des sujets à débat et on n'est pas inclus dans ce débat. Oui. Mais aujourd'hui, il y a des possibilités qui sont finalement des possibilités pas reconnues, qui sont des possibilités à l'étranger. Comment toi, tu vis ça? Comment le milieu militant vit ça? Je dirais que... moi, j'ai quand même... je me pose quand même des questions sur ce que revendiquent vraiment les associations LGBT mainstream, donc le courant principal. Parce que donc on revendique souvent cette PMA pour des couples lesbiens, et on laisse quand même des gens à la marge, des gens qui sont quand même déjà bien à la marge, hein, les trans, les intersexes, les familles monoparentales. C'est pas comme si on était déjà mal perçus par la société. Alors non, je défends pas le célibat. C'est mon avis personnel. Non, c'est pas l'apologie du célibat, mais non, c'est pas spécialement plaisant non plus. C'est pas super plaisant, et c'est même un peu culpabilisant d'imaginer qu'on n'aura pas d'autres enfants, d'autres parents, pardon, à offrir à cet enfant. Bien au contraire. Donc, mais c'est juste que je tiens à défendre la légitimité des mères célibataires. Des parents trans, intersexes, mais aussi des coparentalités, voilà, tous ceux qui sont déjà, qui payent déjà bien cher, quoi, voire même financièrement, et qui culpabilisent déjà bien assez. Et si je peux rajouter ça, je dirais que on a tendance à réclamer aujourd'hui une espèce d'égalité couple hétéro, couple homo, bien sûr, qui concerne que les personnes cisgenres, donc dont le genre est reconnu, dont leur genre s'identifie depuis la naissance. Et cette égalité, alors oui, c'est vrai que quand on revendique un droit, on revendique bien le même droit de traitement. Mais moi, je me demande si on ne devrait pas réclamer mieux que ça. Ouais. Mieux que ça. Et je pense, par exemple, au parcours médical que je ne souhaite pas choisir. Peut-être que je serai obligée d'y avoir recours plus tard si j'ai des difficultés, mais si je ne le choisis pas, c'est quand même parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, la façon dont sont traitées les femmes, les lesbiennes, les trans, les grosses, etc., par le milieu médical, il est bien dérangeant. C'est violent. Et personnellement, j'en ai ras-le-bol. Ouais. Et donc voilà, c'est en partie cette raison de mon choix. Je préfère me débrouiller toute seule, mon corps, mes choix. J'ai une question. Oui. Est-ce que c'est... parce que là, tu es dans le cadre d'une relation célibataire, mais oui. Si tu avais été en couple, est-ce que pour toi, c'est important de porter cette grossesse? Ou si tu avais été en couple, est-ce que l'autre personne aurait pu... Oui, à la base, moi, je voulais pas du tout porter un enfant. J'avais horreur de ça. Pour moi, ça, c'est encore un autre sujet. Ouais. Pour moi, la parentalité, elle est sociale. Elle n'est pas de l'ordre du biologique. Ouais, grave. Elle n'est pas de l'ordre du génétique. Totalement. Moi, mon rêve, c'était d'adopter, mais la France nous permet, et l'étranger ne nous permet pas vraiment ça. Ouais. Hein, c'est un parcours qui est extrêmement long. Il faut compter à peu près 5 ans. Et ça, c'est n'importe quoi. D'ailleurs. C'est galère, voilà. Donc, quand on avance dans l'âge, à un moment donné, il faut se pousser un petit peu. Et oui, si j'étais en couple, j'aurais préféré que ce soit plutôt ma compagne qui porte l'enfant. C'est clair. Ouais. Après, il y a aussi, on peut aussi faire quelque chose de partagé. On peut, par exemple, que l'une porte, mais avec les embryons de l'autre. Enfin, voilà, il y a aussi tout un tas de choses possibles. Ok. Et tout à l'heure, tu parlais du poids du parcours médical qui finalement veut s'imposer. Comment toi tu ressens ce poids médical, ce poids de la société qui te dirait comment toi tu dois faire, comment tu dois concevoir ta famille, comment et pourquoi tu dois la concevoir. On peut revenir sur le comité consultatif national d'éthique qui, pareil, de la même façon, ouais, donne son avis. Comment toi, aujourd'hui, tu ressens cette pression sociale et qu'est-ce qu'elle représente dans ton combat ? Est-ce que c'est quelque chose qui te motive finalement ? Qu'est-ce que chose à défoncer, ah oui, pour te dire bah, « je suis moi, je fais comme je, ouais, veux » ou est-ce que, ou est-ce que, oui, ça motive d'autres choses finalement ? Bah, la réponse est très courte. Aujourd'hui, quand on fait une PMA à l'étranger, elle est soumise à l'approbation des médecins et des psys. En tant que féministe, évidemment, ça me dérange. Ouais. Il n'y a aucune raison que d'autres personnes décident à ma place si je dois être mère et si je serai une bonne mère. Ouais. On peut rapidement le témoignage d'une personne qui a pris le pseudonyme de Elsa dans le Plus Lops le 5 octobre, donc qui a fait une FIV en Belgique. Elle dit bien... Plus tard, dans le même hôpital, j'ai rencontré un psy qui doit évaluer si je suis prête, ouais, non, c'est n'importe si quoi. J'ai la tête sur les épaules, le sens des responsabilités, c'est si je suis bien entourée, etc. Au passage, tous les parents potentiels passaient cet entretien, ouais, une bonne partie, grave, échouerait. Totalement. Voilà, c'est un projet qui est mûrement réfléchi, donc je pense je serais une bonne mère. Mais surtout que c'est totalement, enfin, je trouve ça hyper hypocrite parce que, oui, moi demain je suis hétéro, je vais avoir un enfant, on va pas venir me casser les couilles, genre oui, oh bah non, fais un test, c'est cela, c'est ok, t'as un enfant, c'est ça, t'as accompagné, t'accouches, c'est bon, basta. Mais là, parce que bah t'es lesbienne ou parce que tu veux passer par la PMA, t'as un test à passer, c'est quoi ce délire ? C'est exactement. C'est de l'hypocrisie. Bah, donc, ouais, donc finalement, le poids est même dur, plus, quoi, élevé que le poids de je suis homo, je suis hétéro. Ouais. C'est bah, je suis une femme, est-ce que finalement je suis bien à être parent seul ? C'est ça, ouais, est-ce que c'est comme ça que tu ressens le truc ? Oui, bien sûr. Et le parcours en plus de PMA, donc par le cadre médical, extrêmement lourd. Il est déjà pour les hétéros, c'est certain. Mais il, okay, y a le poids de la société et des médecins et de leur, ouais, opinion, etc., qui est encore plus lourd. C'est pour ça aussi que voilà, il faut légaliser des parcours aussi d'insémination artificielle, artisanale, à la maison. Ça existe, il faut légaliser ça et apporter un cadre, ouais, juridique aussi. Et ça, c'est un autre sujet. Et dans le cadre juridique, de façon rapide, toi, tu conseilles... Enfin, il y a des choses que tu voudrais voir dans le cadre juridique auxquelles on ne pense, oui, jamais. Oui. Pour moi, il faut que la filiation, maintenant, soit établie par l'engagement des parents. Un parent, c'est quelqu'un qui s'engage, ouais, vis-à-vis de son enfant, c'est que ce soit son terme, enfant biologique ou pas, qu'il, ouais, soit là depuis sa création ou, yes, pas. Ça peut être par la suite. Peut-être qu'un jour, quelqu'un me rejoindra aussi. Yes. Donc, ça peut aussi être... Donc, ça doit se faire aussi sans les obligations de mariage. Ça doit se faire hors conjugalité, par exemple, dans des cas de coparentalité. Et sans passer par les tribunaux aussi, ouais, parce qu'aujourd'hui, c'est une procédure d'adoption. Et je voudrais juste aussi souligner qu'il faut un cadre juridique, selon moi, vis-à-vis de, pour les inséminations artisanales, vis-à-vis du donneur. Il faut pouvoir protéger tout aussi bien l'enfant, le parent et le donneur. Il n'y a pas de raison que le donneur puisse faire une reconnaissance paternelle par la suite, ou inversement, ouais, que des parents, voilà, qu'une mère demande une pension par la suite. Non, le projet, il est fait à deux. Voilà, il y a souvent, on fait un contrat, mais le contrat reste flou dans sa valeur juridique. Voilà. Donc, c'est l'occasion pour moi, si on revoit cette loi, pour moi, c'est l'occasion de se dire, ne serait-ce pas l'occasion de demander mieux qu'une simple égalité, d'aller plus loin. Ok. D'accord, donc toi c'est un combat vraiment que tu mènes tous les jours finalement pour dépasser cette égalité qu'on veut mener partout et faire en sorte que finalement, est-ce que c'est tes droits à toi, ton envie d'avoir un enfant qui t'importe, ou est-ce que c'est les droits de l'enfant qu'il y a derrière et le fait d'avoir une possibilité de constituer une famille, c'est... Qu'est-ce qui te porte, toi, dans ce combat ? Moi, aujourd'hui, il y a l'urgence de vouloir un enfant. Ça fait des années que j'en veux un. Et quand ça devient, ouais, je vais le dire quand même, quand ça devient une souffrance de ne pas avoir d'enfant, il faut le faire. Il ne faut pas prendre, ouais, le risque de ne pas en avoir. Ensuite, je dirais qu'en termes de combat, je suis une militante. Aujourd'hui, je suis plutôt à l'arrêt, on va dire. Parce que bon, je suis partie de certains collectifs, certes, mais parce que je ne me sens pas reconnue et soutenue dans les courants LGBT qui sont actuels. Voilà, je ne me reconnais pas dans la PMA qu'on revendique aujourd'hui. Moi, je veux revendiquer bien mieux que ça, bien mieux que l'égalité avec les couples hétéros, en fait. Ok. Bah du coup, Axel, c'était vraiment un plaisir de t'avoir. Et il faut vraiment que tu reviennes pour qu'on aille vraiment plus loin dans ce sujet-là. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et, oui. et 25 minutes, c'était trop court. Mais, voilà, mais c'était ouais, c'était court. Trop cool de t'avoir. Et, mais de toute façon, c'est sûr que tu seras là dans les semaines à venir, j'espère. Avec et voilà. Plaisir. Ah mais ouais, il faut qu'on développe à fond. Et vas-y. Et pour clôturer sur un dernier mot, finalement, voilà. Si tu voulais dire à ce comité national d'éthique, à tous ces médecins, en un mot, si tu devais leur dire quelque chose, tu leur dirais quoi? Bah, que je les emmerde, que je vais le faire yes. quand même. Totalement. Ouais. Bravo. On adore le mot de la fin. Bravo, voilà. Bah, bon courage à ça, toi. C'est le mot de la fin. Ça, c'est le mot de la fin, ça. On emmerde le comité d'éthique et puis l'amour voilà. sauvera le monde quand même. Voilà. Bah, et puis les députés que... aussi. Hein, on emmerde là, tout le monde. Voilà. Et peut-être que c'est le mot de la fin. C'est le mot carrément le mot de la fin. Merci. Vous étiez sur Au fond près du radiateur, fréquence Paris pluriel, 106.3 et à la semaine prochaine. Et au revoir. Bisous, bonne soirée. Et l'amour sauvera le monde. This is the wrath of Aquarius. I am the black metal terrorist. Ain't no comparison. Humanitarian, bitch, I'm a veteran. Better than anyone comprehend. Snack in the grass, cut the copperhead. Hollow tips, point at a copperhead. Drop a head, pop in the clock to the copper dead. But Bishop can ride a mess. That is the biggest hypocrisy. I don't see nobody stopping me. Bro, your whole life is a mockery. I'm militant, mind on the million. Civilian, I am the realest bitch. No Gilligan, put me on the island. Smoking on the island to a nigga look talent. Trap through your crew like a motherfucking virus. Cloud on Confederate, breaking up barriers. Federation in your area. If I'm a vision, I got you a pussy. And pussies are scared of a terrier. Whoop, run on your paper. Killer Curry, keep on catching the caper. Dominating, common denominator. After map, you can jack through the map later. I was the underdog under the Raiders, valuable player. Young Bo Jackson slamming packs full of passion. Satisfaction with the lack of compassion. It's a maverick, hella gasping, but actually, I am that nigga entirely. The same ones that inspired me be the same ones that wanna retire me, nigga. In the nighttime, keep me out of sight. It's the poltergeist. When I'm ghost, I'ma cut the line. Now you out of mind. Y'all niggas ain't ULT. Y'all niggas ain't ULT. Y'all niggas ain't ULT. Y'all niggas ain't ULT. I'm analytical, while I don't have to be off to the clinical. Now we're identical, black individual, no biochemical serve. For the cops, they the opposition. And these halfway niggas and these halfway hoes wanna be buddy buddy, they see you at a show. But be the main ones that be hating on the low. Wait, that shit's irrelevant. They got the fat when you look at my melanin. Whoa, cops killing niggas, niggas killing brothers. Niggas hate each other, don't know where the fuck this came from. We're the ones that pay dues. I don't watch Fox News, the meaning of a Fox is slide. Find a little white girl, but let you. Like a veteran breaking up barriers, they just might call me a terrorist. Rather get caught with it than without it if I keep it concealed when I carry it. I put them on paper, send them to prison and give them free labor. Separate everyone, make sure they neighbors. Aftermath after that, we can laugh later. Fuck all my haters. I raise up black faces, black as the Raiders. I'm with the Gators. Federation is my organization. Our relation, no religion, no races. Black to Asian, we the nation of ULT. True to you, so keep it true to me. Haters cannot put an end to me because I truly know who was my enemy, nigga. It's the nighttime, keep me out of sight. It's the poltergeist. When I'm ghost, I'ma cut the line. Now you out of mind. Y'all niggas ain't ULT. Y'all niggas ain't ULT. Y'all niggas ain't ULT. Y'all niggas ain't ULT. In the nighttime, keep me out of sight. It's the poltergeist. When I'm ghost, I'ma cut the line. Now you out of mind. Y'all niggas ain't. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha high.